Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors dans le journal de l'histoire, voilà, ça y est, c'est décidé, le président de la République, Emmanuel Macron, va prendre part aux célébrations de l'année Napoléon. C'est la fin d'un suspense de plusieurs semaines. Emmanuel Macron rendra hommage à Napoléon dans le cadre des événements organisés pour le 200e anniversaire de sa mort à Sainte-Hélène. Le doute planait alors que les partisans et détracteurs du personnage historique réputé préféré des Françaises et des Français développaient leurs arguments. Les uns pour la reconnaissance de son apport majeur à l'histoire de France et les autres contre une influence certaine mais rétrograde à l'heure des déboulonnages en série en 2021. Pour faire un sort au doute sur l'approche critique de l'œuvre de Napoléon, les commissaires de la monumentale exposition en préparation à la Villette dévoilent une partie du parcours qui devrait ouvrir au public le 14 avril. Et ils ont choisi de répondre frontalement aux reproches majeurs qui occupent les polémistes du moment, le rétablissement de l'esclavage par Napoléon en 1802. Deux documents fondamentaux seront montrés au public pour la première fois. Le décret-loi du 20 mai 1802 qui maintenait l'esclavage là où il n'avait pas encore été aboli, comme en Martinique, alors occupée par la Grande-Bretagne, à Tobago, sur l'île Maurice et à La Réunion, où l'abolition avait été tout simplement refusée. La deuxième archive, un arrêté du 16 juillet 1802, rétablit l'esclavage en Guadeloupe. Une page et 10 lignes rédigées sans application pour tirer par le col de l'histoire une population des esclaves de l'île libérée depuis 1794. Un retour à l'ordre pré-révolutionnaire prescrit par cet arrêté secret qui ne sera publié officiellement qu'un an plus tard. Le système de l'esclavage, du coup, est réinstauré en 1802 par ces deux textes. Il va être assorti de toute une série de dispositions, évidemment, qui vont renforcer encore plus la surveillance, la répression contre les risques de rébellion, et assorti également, en 1805, avec la mise en place du Code civil, d'une législation qui va instaurer des barrières de plus en plus fortes entre les colons blancs et les libres de couleur, qui sont pourtant libres aussi et auraient normalement dû avoir un statut similaire à celui des Blancs, et évidemment les esclaves qui sont exclus des dispositions du Code civil. Dominique Taffin, directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui a prêté main forte pour cette partie de l'exposition, analyse pour la première sur le portail des Outre-mer les archives en question et se félicite de leur publicité pour éclairer une décision politique aux conséquences massives puisqu'elle prolonge le système esclavagiste de 46 ans, une dimension majeure aussi de l'œuvre de Napoléon.